Pendant cette première journée de navigation, la mer fut assez houleuse. Aussi les dames restèrent-elles couchées dans leur cabine. Mais le lendemain, le vent tourna d'un point. Le capitaine John établit la misaine, la brigantine et le petit hunier. Le Duncan, mieux appuyé sur les flots, fut moins sensible au mouvement de roulis de tangage. Lady Helena et Mary Grant purent dès l'aube rejoindre sur le pont Lord Glenarvan, le major et le capitaine. Le lever du soleil fut magnifique. L'astre du jour, semblable à un disque de métal, doré par les procédés Ruyals, sortait de l'océan comme un immense bain volcaïque. Le Duncan glissait au milieu d'une irradiation splendide. Il en eût vraiment dit que ses voiles se tendaient sous l'effort des rayons du soleil. Cette rapidité se soutient. Avant 5 semaines, nous aurons doublé le Cap Horn, dit le capitaine John. Non seulement nous réussirons dans notre entreprise, dit Lord Glenarvan, mais elle s'accomplira sans difficulté. Comment nos braves matelots sont-ils installés dans l'entrepont, dit Lady Helena. Ils sont véritablement chez eux, ma chère Helena, répondit Lord Glenarvan. Ce yacht est une portion de notre vieille Calédonie. C'est un morceau détaché du comté Dunbarton. Le Duncan, c'est le château de Malcolm, et l'océan, c'est le lac Lomond. Magnab demeurait seul, se vit enfin de nouveaux personnages. Un passager lui était absolument inconnu. Cet homme, grand, sec et maigre, pouvait avoir 40 ans. Ses yeux se dissimulaient derrière d'énormes lunettes rondes. Sa physionomie annonçait un homme intelligent et gai. Cet inconnu démontrait clairement qu'il savait prendre les hommes et les choses par leur bon côté. Il était coiffé d'une casquette de voyage, ses poches innombrables semblaient bourrées de calepins, sans parler d'une longue vue qu'il portait en bandoulière. L'agitation de cet inconnu contrastait singulièrement avec la placidité du major. Sa longue vue, dans son plus grand développement, mesurait 4 pieds de longueur. « Siward !» cria l'inconnu. Monsieur Olbinett passa en ce moment. « D'où vient ce personnage ?» se dit-il. « Un ami de Lord Glenarvan ? C'est impossible. Je suis le passager de la cabine numéro 6. Voilà 36 heures que je l'ai mangé. Ce qui est pardonnable à un homme venu tout d'une traite de Paris à Glasgow. À quelle heure déjeune-t-on, s'il vous plaît ?»« À 9 heures, » répondit machinalement Olbinett. « Le capitaine n'est pas encore levé. » John Mangle parut à l'escalier de la nuette. « Voici le capitaine, » dit Olbinett. John Mangle ouvrit des yeux démesurés. « Dites-moi, si vous êtes content du Scotia ?»« Monsieur, je ne suis pas le capitaine Burton. » Lord Glenarvan, sa femme et Miss Grant remontèrent sur le pont. L'étranger les aperçut et s'écria. « J'espère que dans la compagnie de ces dames, la traversée du Scotia nous paraîtra aussi courte qu'agréable. » « Monsieur, » dit alors Glenarvan, « à qui ai-je l'honneur de parler ?»« À Jacques Elias Saint-François-Marie Paganel, secrétaire de la Société de Géographie de Paris, membre correspondant des sociétés de Berlin, de Bombay, de Darmstadt, de Leipzig, de Londres, de Pétersbourg, de Vienne, de New York, membre honoraire de l'Institut Royal Géographique et Ethnographique des Indes Orientales, qui, après avoir passé 20 ans de sa vie à faire de la géographie de cabinet, a voulu entrer dans la science militante et se dirige vers l'Inde, pour y relier entre eux les travaux des grands voyageurs. »